Je voudrais vous montrer que la situation que nous avons avec weil, où le verbe associé à weil est rejeté à la fin, se produit souvent en allemand. Par exemple, avec wie viel Uhr ou wann. Comme en français, si vous posez une question du type à quelle heure puis-je la voir, quand puis-je la voir, le verbe vient tout de suite après wie viel ou après wann. Donc, si vous voulez dire à quelle heure puis-je la voir, wie viel Uhr. Wie viel Uhr? Wie viel Uhr puis-je la voir? Kann ich haben? Es haben? Bien. Wie viel Uhr kann ich es haben? Comment diriez-vous quand puis-je la voir? Wann puis-je? Kann ich es haben? Wann kann ich es haben? Encore une fois? Wann kann ich es haben? Wann kann ich es haben? Ici, vous avez une question et il suffit donc de faire une inversion, comme en français. Quand puis-je? Wann kann ich? À quelle heure puis-je? Wie viel Uhr kann ich? Mais si vous voulez placer wann ou wie viel Uhr au milieu d'une phrase, pour poser une question indirecte, alors vous vous trouvez dans la même situation que celle rencontrée avec weil. Vous devez mettre le verbe qui se rapporte à weil à la fin. Par exemple, si vous voulez dire « Dites-moi s'il vous plaît à quelle heure je peux la voir ?» Sagen Sie mir bitte ? Quand je peux la voir ? Wann ? Wann ou à quelle heure ? Wie viel Uhr? Wie viel Uhr? Je peux la voir? Ich kann. Maintenant, vous avez le même cas de figure qu'avec weil. Ici, c'est le verbe porte-manteau que vous devez mettre à la fin, après le verbe à l'infinitif. Ich es haben kann. Bien. Sagen Sie mir bitte, wie viel Uhr? Ou bien wann? Quand? Ich es haben kann. Je veux savoir à quelle heure je peux la voir aujourd'hui. Ich will wissen. Bien. À quelle heure? Wie viel Uhr? Je peux la voir aujourd'hui. Ich es heute haben kann. Ich will wissen, wie viel Uhr ich es heute haben kann. Et maintenant, comment direz-vous « Je suis désolée, mais je ne peux pas vous dire maintenant pourquoi je veux la voir aujourd'hui. » Je suis désolée, mais... Es tut mir leid. Es tut mir leid, mais... Aber... Es tut mir leid, aber... Bien. Es tut mir leid, aber je ne peux pas vous dire maintenant. Es tut mir leid, aber je ne peux pas vous dire. Ich kann Ihnen bien. Ich kann Ihnen nicht sagen. Vous oubliez maintenant. Jetzt. Jetzt nicht sagen. Jetzt nicht sagen. Bien. Es tut mir leid, aber, mais, ich kann Ihnen jetzt nicht sagen. Pourquoi je veux la voir aujourd'hui? Ici, pourquoi est au milieu d'une phrase. Le verbe est donc rejeté à la fin de la phrase, comme c'était le cas pour les phrases avec weil. Dès que weil était placé au milieu de la phrase. Donc, comment dites-vous pourquoi je veux la voir aujourd'hui? Warum? Ich es haben. Aujourd'hui. Warum ich es heute haben will. Bien. Warum ich es heute haben will. Es tut mir leid. aber ich kann Ihnen jetzt nicht sagen, warum ich es heute haben will. Maintenant dites, pourquoi je dois l'avoir aujourd'hui? Warum ich es haben müssen. Müssen, c'est pour vous devez. Sie müssen ou nous devons, wir müssen, mais je dois, c'est je dois apporter la mousse. Ich muss. C'est ça. Donc, pourquoi je dois l'avoir aujourd'hui? Warum? Warum ich es aujourd'hui? Heute haben muss. Bien. Warum ich es heute haben muss? Donc, je ne peux pas vous dire maintenant. Ich kann Ihnen nicht jetzt sagen. Pourquoi je dois l'avoir aujourd'hui? Warum? Attention, on est maintenant dans le même cas de figure qu'avec weil. Le verbe doit aller à la fin. Warum ich es heute haben muss?